Floriane, tu avais un coup de cœur également. Oui, un vrai coup de cœur qui se passe au théâtre du Proscenium. Ah, parce que les autres, c'était des faux coups de cœur. Non, ouais, c'est ça. Mes autres coups de cœur, c'est un peu des petits coups de cœur comme ça. Celui-ci, c'est un énorme coup de cœur pour Blondie et Brunette, qui est une pièce de théâtre qu'il faut aller voir au Proscenium. Je crois qu'ils arrivent dans leur dernière date. Ils jouent les vendredis à 21h30. Et parce qu'en fait, moi, je me renseigne sur l'actualité de mes camarades. Et c'est mis en scène par Léa Marciano, qui a fait une critique du livre de la jungle. Donc je me suis dit. Et des visiteurs. Mais, tiens, et malheureusement, des visiteurs. Et du coup, voilà, en allant voir ça, j'ai pris une vraie claque. C'est-à-dire que le sujet peut faire peur parce qu'on ne veut pas aller dans des pièces de théâtre dites un peu sombres. Sauf qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. L'affiche peut paraître un peu triste et un peu parce que le thème n'est pas forcément joyeux. Et en fait, on a une tranche de vie. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir des instants douloureux parce que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce n'est pas forcément un thème qui est très joyeux, mais c'est une tranche de vie. Donc, effectivement, derrière, on va rire, on va être attaché, on va pleurer, on va vivre des instants très forts. Et ça fait du bien de voir ça au théâtre. On ne va pas sortir que voir des comédies. On en a marre des comédies. Il faut aussi aller voir Blondie et Brunette au Proscenium. Donc, c'est les vendredis à 21h30 et il leur en reste que 3, je crois. Et c'est ce soir. Et ce soir notamment, mais vraiment, ouais, ça fait du bien, quoi. C'est culturellement parlant. Merci Floriane. Mais non, de rien. Il y a des ponctuations dans ta phrase ? Non, j'avais pas. J'étais très emballée, c'est un gros coup de cœur. Alors, on a bien compris. Comme Floriane, effectivement, j'insiste très rapidement sur Blondie et Brunette, que j'ai la chance de voir. Je pense que j'y retournerai parce que c'est vraiment une pièce où on rit, mais qui est aussi très émouvante. Voilà, c'est pas forcément larmoyant, mais voilà, ça nous touche en plein cœur. Donc, c'est vraiment une très très belle pièce. Donc, allez-y, il y en a plus de 3, elle est vraiment magnifique.